قال لعل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. ابن القيم رحمه الله تعالى بدي إلى غزو سد للتكست إلى خيمناتور et l'exemple ou bien ce qu'on peut l'expérience qu'on avait avec les communautés passées, quelles que soient leurs origines, leur voix et leur religion, tout cela nous montre que de se rapprocher vers Allah, le Seigneur des mondes, en recherchant son agrément, avec la piété, ou plutôt avec la bienfaisance et l'excellence, avec l'excellence et la bienfaisance envers ses créatures, tout cela fait partie des causes qui nous amènent le bien. Quant à son contraire, faire le mal est une cause qui nous apporte le mal. Et il n'y a pas une meilleure cause qui apporte le bien et qui repousse le mal que d'obéir à Allah et de se rapprocher de lui. Ainsi que la bienfaisance envers ses serviteurs. Ensuite, l'auteur nous cite un chapitre où il nous montre la relation entre les causes et les effets. La relation entre les causes et leurs effets. وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة بكتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشر والمعمول على العلة والمسبب على السبب وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. Allah a lié dans son livre la survenue du bien et du mal en ce bas monde et dans l'au-delà à l'accomplissement d'œuvres, à la manière de la rétribution liée au respect d'une condition, d'un effet lié à un motif, d'une conséquence liée à une cause. On trouve cela en plus de 1000 endroits, c'est-à-dire des textes. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, le présent célèbre la sunna montre qu'il y a un lien entre la cause et son effet. La condition et l'avènement de la chose, du résultat. فَتَارَةً يُرَتِّبُ الْجَزَاءَ الْحُكْمِ الْكَوْنِ وَالْأَمْرِ الشَّرْعِي عَلَى وَالْأَمْرَ الشَّرْعِي عَلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ لَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَقَوْلِهِ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُ وقوله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, de par sa grande lecture des textes du Coran et la Sunna, nous dit il y a plus de 1000 preuves de ce qu'il vient d'avancer. Et ça te montre que les savants de la Sunna, ils accordent le plus grand temps et la plus grande importance dans Talib al-Ilm à quoi? Au Coran et à la Sunna. Au Coran et à la Sunna. Et il nous cite trois versets qui nous montrent que celui qui fait le mal, il récolte le mal. Par exemple, lui, lorsqu'il se rebellait et refusait par orgueil d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Puis lorsqu'ils nous mirent en colère, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous. فلما آسفونا هو شدة الغضب. نعم. فلما آسفونا, ce terme-là dans la langue arabe, soit ça vient dans la grande tristesse, soit ça vient dans le sens de la grande colère. Le sens de la grande tristesse, Allah Azza wa Jalla en est exempt. Donc c'est le sens de la grande colère. C'est un des attributs affirmés dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, falamma asafuna intaqamna minhum. Donc on voit ici clairement que le fait d'avoir fait le mal, ils ont récolté le mal. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous cite un exemple pour nous montrer que celui qui fait le bien, il reçoit le bien. وقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Les soumis et les soumises, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, loyaux et loyales, ceux et celles qui endurent, se montrent humbles, donnent l'aumône, jeûnent, préservent leur chasteté et mentionnent souvent Allah. À tout cela, Allah prépare un pardon et une immense récompense. Le pardon et l'immense récompense. Et le fruit de quoi? De la foi, du iman, de l'islam, de l'obéissance, et ainsi de suite. Donc on voit que celui qui fait le bien à Allah, Allah le rétribue, Allah le récompense. Ensuite, l'auteur nous dit « وَالْتَارَةً يُرَتِّبُ عَلَيْهِ بِصِغَةِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ فَقَوْلِهِ تَعَالَى إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وتارة يأتي بلام التعليل كقوله ليدبروا آياتي ويتذكر أولو الألباب وقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وقوله بما كنتم تعملون وقوله بما كنتم تكسبون وقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وتارة يأتي بالمفعول لأجل ظاهرا أو محذوفا كقوله تعالى فرجهما امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وقوله تعالى من تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وقوله أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أي كراهة أن تقول وتارة يأتي بإفاء السببية كقوله فكذبوه فعقروها فدندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين وتارة يأتي بأداة لما الدالة الدالة على الجزاء كقوله فلما آسفونا انتقمنا منه ونظائره وتارة يأتي بإذ وما عملت فيه كقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وقوله في ضد هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط كقولي ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. ابن القيم رحمه الله تعالى ندي Et les exemples similaires sont très nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala a relié la condition de la rétribution. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous cite une condition, puis il nous montre le résultat. Pour exemple, si vous craignez Allah, il vous accordera le discernement et vous pardonnera vos péchés. Il vous effacera vos fautes et vous pardonnera vos péchés. Donc on voit que l'effacement et le pardon des péchés est rattaché à une condition qui est la crainte d'Allah. Faire ce qu'Allah nous a ordonné et délaisser ce qu'il nous a interdit. S'ils se repentent, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat, ils seront vos frères dans la religion. Donc dans tout cela, on montre quoi? Qu'il y a une condition, il y a un résultat. S'ils avaient suivi le droit chemin, nous les aurions abreuvés d'une eau abondante. Parfois, on nous cite la lettre La qui nous montre At-Ta'lim. Au sens de afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent, afin que vous soyez témoins contre les gens comme le messager sera témoin contre vous. D'autres fois, on utilise le terme Kaïm afin qu'il nous cite également le but, afin qu'il ne reste pas seulement les riches d'entre vous. Cela à cause, et des fois on nous cite le bas qui nous montre la cause, cela à cause de vos actions et péchés antérieurs. Donc tout ça pour dire quoi? Que les causes ont un effet. Les causes ont un effet. Dans plus de 1000 textes du Coran, on montre cela. C'est vers Allah que vous retournez tous, que vous retournerez tous, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Ainsi, accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres à cause de ce qu'ils ont acquis. C'est ceci pour ne pas avoir cru au signe d'Allah. Dans d'autres moments, on utilise le maf'ul li ajli, le complément circonstanciel de but apparent ou sous-entendu, comme dans le verset dont la traduction est « Et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes parmi celles que vous agréez comme témoins, de sorte que si l'une d'elles oublie, l'autre puisse lui rappeler. Afin que vous ne désiriez point au jour de la résurrection, vraiment nous n'y avons pas fait attention, afin que vous nous disiez pour moi, on a fait descendre les livres que sur deux communautés avant vous. C'est-à-dire par aversion du fait que vous puissiez dire ceci. D'autres fois, on utilise la lettre Fa qui montre la conséquence. Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent, c'est-à-dire la chamelle de Saleh, alayhi salam. Leur Seigneur les détruisit. Donc, pour leur péché, étendit son châtiment sur tous. Ils désobéirent aux messagers Naam de leur Seigneur. Allah les a donc saisis d'une façon extrêmement violente. Ils les traitèrent tous deux de menteurs et furent anéantis. Et d'autres versets semblables. Tous ces versets nous montrent quoi? Qu'il y a un lien entre la cause et l'effet. Tout ça pour dire quoi? Si tu fais dua et tu délaisses les péchés, Allah Azza wa Jalla va t'accorder. Et si tu abandonnes et restes dans tes péchés et ne demandes pas à Allah, ben tu auras la mauvaise rétribution. Alors tu auras la mauvaise rétribution. D'autres fois, on utilise la particule lemma qui indique la récompense qui est utilisée comme dans la parole d'Allah sur la traduction des sens. Puis lorsqu'ils nous mirent en colère, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous. D'autres fois encore, in et ses dérivés sont utilisés comme la parole d'Allah, ils s'empressaient de faire le bien. Donc la traduction, ils s'empressaient de faire le bien. C'était des gens mauvais, nous les avons tous noyés. Donc le bien apporte le bien, le mal apporte son semblable. Parfois on utilise là ou là. Qui nous indique le lien entre ce qui précède et ce qui est sous-entendu, ou bien ici, ils avaient fait cela, on va traduire ainsi, Et s'il n'avait pas auparavant glorifié Allah, il serait certes resté dans le ventre, c'est-à-dire Younus alayhi salam dans le ventre de la baleine, jusqu'au jour où les hommes sont ressuscités. D'autres fois, la particule là-haut, si seulement, en condition, comme dans la parole, s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été meilleur pour eux et cela les aurait raffermis. En somme, le Qur'an, du début à la fin, est très clair dans la relation entre la rétribution et le bien et le mal, et le lien entre les lois universelles et religieuses et leurs causes. Plus encore, les règles religieuses de ce bas monde et de l'au-delà, et les bienfaits et méfaits qu'ils suscitent, dépendent eux aussi de causes et d'actes. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit ça, c'est pas que dans le din et dans les choses universelles, mais même pour manger et boire, tu vas manger et boire, même pour la faim et la soif, tu vas manger et tu vas boire pour repousser la faim et la soif. Comment est-ce que tu peux rester inactif pour repousser le châtiment d'Allah et repousser les péchés alors que tu es actif pour repousser la faim et la soif en mangeant et en buvant? Ça c'est un message lourd que nous adresse ici Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Il nous dit également وَمَنْ تَفَقَّهَ فِي هَذِي الْمَسْأَلَ وَتَأَمَّلَ حَقَّ التَّأَمُّ وَانْتَفَعَ بِغَيَةَ النَّفْعَ ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا تفريطا وإضاعة فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعاين القدر بالقدر بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بها بذلك فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخوفات والمخاوف والمحاذر هي من القدر والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit: toute l'intelligence religieuse et la compréhension des textes réside dans le fait de repousser la prédestination par la prédestination. Celui qui fait des péchés, on va prédestiner la punition. Et celui qui se repent, on va prédestiner l'effacement du péché. Toi, il t'a été écrit que si tu fais un péché, il y a une punition. Repousse, c'est ce qui a été prédestiné par une autre chose prédestinée, le repentir, aide-toi. Ça, c'est la compréhension du dit. Quant à celui qui se repose sur la prédestination par ignorance, impuissance et négligence, celui qui se repose sur la prédestination, il dit ça, c'est le qadar, on m'a décrété ce péché-là. Lui, il est impuissant. Lui, il est inactif. C'est celui qui n'a pas compris le dit. Il a causé sa perte et son élargissement. Et ce qu'il pense être compté sur Allah, ça ne sera qu'abandon et inaction. Le savant est uniquement celui qui repousse la prédestination par la prédestination et qui oppose la prédestination à la prédestination. Plus encore, il n'est possible de vivre qu'ainsi, car la faim, la soif, le froid et tout ce qui est source de crainte et de danger fait partie de la prédestination. Et tous les hommes essaient de repousser cette prédestination par la prédestination. Tous ceux qui vivent fidounia, lorsqu'ils ont faim, ils mangent. Ils ont soif, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont boire. Et tu ne peux vivre que comme cela. De la même façon, les péchés, les problèmes, ils sont repoussés par quoi? Ils sont repoussés avec d'autres causes. Pas manger et boire, mais se repentir et faire dua. Obéir à Allah Azza wa Jalla et agir. Voici le message qu'il faut retenir. Ici, de même, celui auquel Allah accorde la réussite et lui inspire la guider en repoussant la prédestination du châtiment de l'au-delà par la prédestination du repentir de la foi et des œuvres pieuses, c'est là le pendant de la prédestination effrayante en ce bas monde. Et ce qui est à l'opposé est semblable, car le Seigneur des deux demeures est unique, sa sagesse est unique. Elle ne s'oppose pas et ne s'invalide pas. C'est là une question, C'est là une des questions les plus élevées pour qui en connaît la valeur et la considère comme il se doit. Et c'est auprès d'Allah que nous recherchons l'aide. Reste tout de même deux points par lesquels l'homme complète son succès et sa réussite. Le premier, c'est quoi ? C'est de connaître le chemin du bien et du mal en détail. De suivre le chemin du bien et de délaisser le chemin du mal. Deuxièmement, c'est de sortir de l'illusion de l'âme. L'âme, elle fait tomber la personne dans la faute. Elle lui dit, t'inquiète pas, Allah est pardonneur. Non, t'inquiète pas, tu peux faire autant de péchés que tu veux, tant que celui vers lequel tu te diriges, c'est le grand pardonneur. T'inquiète pas, Allah est dans le Coran, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Et d'autres bonnes choses à travers lesquelles on veut le faux. Donc ce sont deux points qu'il faut comprendre si tu veux réussir dans ce chapitre. Et on va s'arrêter sur la lecture de ce passage lorsqu'il est Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit. وهكذا من وفقه الله والهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة فهذا طيب إلى أن قال فرب الدارين واحد وحكمته واحدة لا يتناقض بعضها بعضا لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها والله المستعان لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه أحدهما يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهد في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه في أخبار الأمم قديما وحديثا. نعم. Donc on retient deux points. Le premier point, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a rattaché des effets à des causes. Allah Azza wa Jalla a rattaché des effets à des causes. Celui qui fait le bien, qui invoque Allah Azza wa Jalla, il va recevoir du bien. Celui qui abandonne les doigts, abandonne les causes et se morfond sur son état et sa situation et il dit j'ai fait des péchés, de toute façon je ne pourrai pas changer, il va recevoir le mal. Le deuxième point à retenir, c'est que pour parfaire l'obtention du bien, le bonheur et la réussite dans ce monde et l'au-delà, il y a deux choses auxquelles tu dois faire attention. La première chose, c'est de connaître le chemin du bien et le chemin du mal en détail. Ça c'est une bonne action, il y a tel hasan. Ça c'est une mauvaise action, il y a tel châtiment. Si je fais le bien, j'obtiendrai le bien. Si je fais le mal, j'obtiendrai le mal. Tu dois étudier ça en détail. Celui qui fait tel péché, voici sa punition dans ce monde et dans l'au-delà. Celui qui fait telle bonne action, Allah Azza wa Jalla lui a préparé ça. Il doit étudier cela. Il doit étudier cela. Ça sera pour lui un moteur dans le bien et devant le mal. La deuxième chose, c'est quoi ? C'est qu'il doit tirer des leçons des peuples passés et ne pas se laisser trahir par sa personne qui lui dicte des excuses afin qu'il reste dans le haram, afin qu'il reste dans les péchés. Ibn Qayyim nous dit, et la chose la plus profitable pour réussir tout ça, c'est de méditer le Coran. C'est de méditer le Coran. Non. Al-khayr wa shar jami'an mufassala mubayyana. Fihi asbabu al-khayr wa shar jami'an mufassalatan wa mubayyana. Il nous dit les causes du bien et du mal sont dans le Coran d'une manière détaillée, explicite. Ensuite dans la sunna, فَإِنَّا شَقِيقَةُ الْقُرْآنِ وَهِيَ الْوَحْيُ الثَّالِثِ. La sunna c'est la deuxième révélation et ça vient avec le Coran. وَمَنْ صَرَفَ إِلَيْهَا إِلَيْهِمَا عِنَايَتَهُ اِكْتَفَ بِهِمَا مِنْ غَيْرِهِمَا. Celui qui met tous ses efforts dans le Coran et la sunna pour ce chapitre là, ils lui suffiront. وهما يريانك الخير والشر واسبابهما. Tu y trouveras et il te montrera le bien et le mal et leurs causes. حتى كأنك تعين ذلك عيانا. À un point où c'est comme si tu verras cela avec tes propres yeux. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة. Par la suite, tu tireras des leçons et tu méditeras sur les générations passées, les communautés anciennes. Et tu verras que ce que tu as médité sur le Coran et ce que tu verras en réalité sera en concordance. ورأيت بتفاصيل ما أخبر الله به وعده ووعد به وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله ينجز وعده ولا محالة فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر رحمه الله. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, que tout cela se trouve dans le Coran. Et que celui qui le médite verra cela comme s'il voit cela avec ses yeux. Après cela, il va méditer sur la situation des communautés et de ce qui se passe en réalité, les gens des péchés, et il verra que c'est parfaitement en concordance avec le Coran et la Sunna. Et il verra en détail ce qu'Allah Azza wa Jal a informé et ce qu'il a promis. Et il verra ainsi que réellement c'est un signe. C'est un signe qui touche tout horizon et ce qui nous montre que le Coran est la vérité, que le messager est la vérité et qu'Allah Azza wa Jal assurément met en pratique ce qu'il plutôt fait en sorte que sa promesse se réalise et cela est inéluctable. Et l'histoire, de manière détaillée, ou plutôt l'histoire, est comme une leçon de manière détaillée de ce que nous a fait connaître Allah dans le Coran et le messager dans la Sunna. Que tout cela est rattaché à des causes et que les causes ont des effets. Celui qui fait le bien obtient le bien, celui qui fait le mal l'obtiendra. Wallahu musta'an wa sallallahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا الله. اللهم إنا نسألك بأنك الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن خاتمتنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وحسن وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على الصيام اللهم أعنا على الصيام اللهم أعنا على الإحسان في الصيام اللهم أعنا على القيام اللهم أعنا على القيام اللهم أعنا على القيام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.